Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil, sa robe de pourpre au soleil. À point perdu cette vêpure, les plis de sa robe et son teint au vôtre pareil, et son teint au vôtre pareil, et son teint au vôtre pareil, au vôtre pareil. Voyez comment peu d'espace, mignonne est là-dessus la place. Lasse, lasse ses beautés, laissez choir. Lasse ses beautés, laissez choir. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure. Jusqu'au soir, que du matin jusqu'au soir, que du matin jusqu'au soir, jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, en sa plus verte nouveauté. Cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse. Fera ternir votre beauté, fera ternir votre beauté, fera ternir votre beauté.